Un soir de réveillon, quoi de mieux pour terminer l'année en beauté, champagne et foie gras. Et on attend les 12 coups de minuit pour s'embrasser sous le gui ou sous le hou. Bonne année, bonne santé, et tout et tout. Mais après ces embrassades, la fatigue aidant, il y a un moment de flottement. On ne peut pas partir comme ça, il faudrait trouver une idée pour s'occuper. Un invité surprise, par exemple. Ce soir, Arlette Dubourg est en train de mettre une dernière main au buffet qui doit accueillir ses invités pour le réveillon du 31 décembre 1957. L'appartement qu'elle occupe au quatrième étage de cet immeuble cossu de Saint-Germain-des-Prés est entièrement décoré de guirlandes brillantes. Arlette et Alexis, son mari, forment un couple un peu bohème. Elle est comédienne, et on l'a déjà remarqué tant au théâtre qu'au cinéma, lui il est antiquaire, et sa boutique de la rue des Saints-Pères est renommée pour l'élégance des objets qu'il propose, à des bruits finalement assez modérés. Ce soir, Arlette, toute heureuse d'un nouveau contrat, a décidé de réunir le banc et l'arrière-banc de ses amis du showbiz. Oh, pas de grosses vedettes, mais des vrais copains, garçons et filles. Et déjà, la sonnette retentit, ce sont les premiers invités, les bras chargés de fleurs ou de bouteilles de champagne bien fraîches. En définitive, la soirée est une vraie réussite. On danse, on boit, on rit, on ne flirte pas, enfin pas trop. La plupart des couples sont déjà formés et l'appartement est trop petit pour permettre des apartés discrets. 25 personnes, ça prend de la place. Minuit, ça y est, 57 est terminé, bonne année, que 58 soit meilleur que l'an passé, bonne santé, beaucoup de boulot, tout le monde s'embrasse, hommes et femmes, enfin, ceux qui se connaissent suffisamment et ceux qui veulent mieux faire connaissance profitent de l'occasion. Et puis, l'ambiance se calme un peu. Tiens, un ange passe. Normal, il est 1h20. Les anges passent toujours à 20 ou à moins 20. Arlette sent que sa soirée flotte un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On joue aux charades? On fait des mimes? À moins que quelqu'un ait une meilleure idée. Un jeune comédien lance « Ça vous dirait de faire une séance de spiritisme ?» Les invités sont perplexes. Faire du spiritisme en plein réveillon? Est-ce qu'il ne faut pas une ambiance plus calme, feutrée, concentrée? Le comédien qui a pris la parole, Marius Melmont, ajoute « Oh, c'est pas moi qui suis médium, hein, c'est ma femme, Romane. Elle fait ça de temps en temps. Et le plus curieux, c'est que chaque fois qu'elle fait une séance, c'est Louis Jouvet qui se manifeste. » Louis Jouvet. Ah, du coup, les invités sont tous intéressés. Louis Jouvet, le maître du théâtre moderne, adoré ou détesté peut-être, mais quand même Louis Jouvet. Pour des comédiens en herbe ou confirmés, cette proposition est irrésistible. Converser avec Louis Jouvet. Louis Jouvet, disparu depuis peu, finalement. Bien peu d'entre eux ont eu l'occasion, ne serait-ce que de l'apercevoir ailleurs qu'au cinéma. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Romane explique. Elle a l'habitude de faire parler le verre. C'est une technique classique. Une table bien lisse, un verre assez léger. Des lettres inscrites sur de petits papiers qui forment un cercle. Et il suffit de frôler le verre renversé au centre du cercle et d'attendre. Le silence est général. Romane, les yeux fermés, tend un index léger vers le verre. Deux ou trois autres personnes volontaires frôlent aussi le pied du verre. Esprit, es-tu là? Et presque aussitôt, le verre se met à glisser sur le bois de la table et il se dirige vers l'un des cartons du cercle, celui où l'on a inscrit le mot « oui ». De l'autre côté du cercle, un autre carton porte le mot « non ». Qui es-tu? Le verre glisse très rapidement. C'est à peine si les trois médiums peuvent garder le contact. Le verre désigne la lettre L, puis après un petit arc de cercle, le verre touche la lettre J. LJ? C'est Louis Jouvet? Du coup, l'assistance est électrisée. Louis Jouvet, est-ce possible? Romane annonce, si vous avez des questions à poser, chacun à tour de rôle, s'il vous plaît. Et soudain, personne ne semble plus savoir quelles questions poser au maître. Alors un jeune apprenti comédien se lance. Où êtes-vous? Enfin, je veux dire, où es-tu? On peut le tutoyer, non? Romane fait signe que oui, les esprits, on les tutoie toujours. Alors, où es-tu en ce moment? Oh, le verre n'hésite pas et court de lettre en lettre. Quelqu'un sur un bloc de papier note la série de lettres. E, N, E, N, F, E, R. En enfer. Jouvet en enfer? C'est incroyable! Un tel génie! Mais après tout, peut-être est-ce une blague? Jouvet avait l'humour assez glacial. C'est quoi l'enfer? Et le verre répond, c'est un endroit où il n'y a pas de public. Formidable! Ça, c'est une réponse digne de lui. Et est-ce que vous avez remarqué le petit arrêt entre pas et deux publics? C'est tout à fait sa manière de phraser. On dirait qu'on l'entend respirer avec son asthme si caractéristique. Du coup, toute l'assemblée se presse pour poser des questions professionnelles ou personnelles. De temps en temps, on change de médium. Dame, c'est fatigant de rester ainsi, le doigt tendu dans le vide en effleurant à peine le fond d'un verre qui court sur une table bien cirée. Romane, en maîtresse de cérémonie, dit « Pour bien contrôler ce qui se passe, nous allons procéder autrement. Chacun de ceux qui voudront poser une question le fera mentalement, sans rien dire, et nous dira simplement après si la réponse correspond à la question posée. » Ainsi est fait, et chacun doit avouer que Louis Jouvet reçoit bien les questions mentales. L'un voudrait trouver un nom pour la compagnie théâtrale qu'il envisage de fonder. Et la réponse arrive à toute vitesse. Le rideau arc-en-ciel. Quelle idée superbe ! C'est fou de ne pas y avoir pensé plus tôt. Alexis Dubourg, l'antiquaire, voudrait savoir quelle est sa vraie vocation. Écrire, encore écrire et toujours écrire, idiot. Devant l'étonnement de l'assistance, l'antiquaire avoue qu'il possède des tiroirs déjà remplis de pièces de théâtre et de romans qu'il n'a jamais osé présenter à personne. Un apprenti comédien demande s'il va faire une grande carrière. « Tu ne feras jamais partie de notre famille. Tu seras de l'autre côté de la caméra. » L'apprenti acteur s'en trouve déconfit. Mais 30 ans plus tard, il faut bien avouer qu'il aura fait une belle carrière de réalisateur à la télévision. Une jeune femme émoustillée par le champagne pose une question piège. « Laquelle d'entre nous te plaît le plus ce soir ?» Et la réponse arrive fulgurante. « Je vous prendrai bien toutes, mesdames. » Du coup, toutes les femmes se sentent en beauté. Être aimées par un Jouvet fantôme, ne serait-ce qu'un soir. Quelqu'un demande « Veux-tu que nous transmettions un message à quelqu'un ?» Non, à personne. Bizarre. Jouvet veut-il que ses proches restent éloignés de cette communication ? Mais toutes les meilleures choses ont une fin. Quelqu'un dit « Qu'est-ce qu'on pourrait bien boire ?» Le verre, toujours effleuré par des doigts vigilants, se met en mouvement et annonce « Il y a encore du champagne dans le frigo ?» Décidément, rien ne lui échappe à celui-là. Aussitôt, on apporte du champagne, on remplit les coupes, on les lève. Une comédienne tendant son verre en direction du guéridon dit « Chin chin !» Le verre du guéridon épelle « C'est bon, ça pique le nez. » Comme c'est vrai. Le champagne, ça picote le nez. On dit « Au revoir !» Et le verre, alors, comme saisi d'une frénésie, se met à bousculer tous les petits papiers et les fait tomber au sol. Fini pour ce soir. Louis Jouvet ne répondra plus. Quelle soirée excitante. Le seul inconvénient, c'est que depuis ce jour-là, Arlette Dubourg est devenue extra-lucide et qu'elle empoisonne la vie de son cher Alexis en lui prédisant chaque matin tous les petits pépins, accrochages et contraventions qu'il va avoir dans la journée.